L'homme à l'oreille cassée, roman de Edmond About, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocite.net, sous licence creative.commode.org.